Bonsoir. Bienvenue à tous. Donc, une conférence sur un sujet qui fait parler du monde dont tous ne sont pas d'accord. Le libre arbitre n'existe pas. Daniel, des fois, tu es bien plate quand tu dis ça parce que moi, je me trouvais bien chanceux, puis je me trouvais intelligent d'avoir choisi un bon métier, d'avoir trouvé une bonne épouse, la plus belle femme du village. Il me semblait que c'est moi qui avais choisi ça, puis là, tu viens me dire que c'est pas moi. Non. Le libre arbitre n'existait pas. T'es plate. Premièrement, si tu aurais choisi ta femme, nécessairement, il aurait fallu que tu rencontres toutes les femmes de la planète. Et là, tu aurais fait le moins pire des choix encore. Et finalement, donc, tu n'as pas choisi ta femme. Qui l'a choisi? Qui a choisi ta femme? C'est une bonne question. Ouais. Tu commences à s'éteindre, il faut qu'on se réchauffe un peu. Ouais. Ça pose d'autres questions? Non, non. Qui l'a choisi, elle me plaît. Ouais. Répète-la. Elle me plaisait, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Répète-la donc. Qui a choisi, si c'est pas moi qui ai choisi? Puis que c'est moi qui se ramasse avec, de toute façon. Ben, que je pense. C'est elle qui te ramasse. Bon, bien, effectivement, c'est pas toi qui as choisi ta femme. Vois-tu, c'est premièrement, il faut qu'on voit, pour répondre à cette question-là, il faut immédiatement qu'on s'éloigne du contexte planétaire. Donc, il va falloir que les gens se réchauffent aussi rapidement que moi et toi avec, sinon on va perdre des bribes. Alors, il faut s'éloigner du contexte planétaire, parce que si on se place dans la conscience nombritique de l'homme, une conscience qui fait que l'homme pense à partir de ce qu'il voit, la question n'a aucun sens. Si ce n'est pas moi qui a choisi, je peux dire « ta femme t'a choisi, mais tu ne l'as pas choisi, elle ». Mais en réalité, ta femme ne t'a pas choisi non plus, et tu ne l'as pas choisi non plus. Donc, qui a fait en sorte, ou qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes rencontrés et que finalement, vous aviez des correspondances suffisantes entre vous deux pour arriver à vivre ensemble? Premièrement, si on s'éloigne donc du contexte nombritique de la conscience de l'homme avec un égo qui croit avoir un libre-arbitre, eh bien, on a une réponse qui est plus facile. Simplement que selon les constitutions des corps physiques, selon les constitutions des âmes qui vont habiter les corps physiques, nécessairement, à travers chaque corps physique, il y a des manques, il y a des nécessités, il y a des besoins à combler, donc des manques. À travers chaque âme, à travers chaque psychologie, il y a, selon la constitution, des manques aussi. Et il y a aussi, au niveau de l'ego, des mémoires qui ont besoin d'être nourries. Et lorsque deux égos habitant deux corps physiques différents se rencontrent, eh bien, si les corps physiques ont des attraits les uns pour les autres du point de vue hormonal, donc ça dépend de ton odeur, ça dépend de l'odeur de ta femme. Et en plus, si au niveau de la psychologie, il y a des affinités, donc des mémoires qui peuvent être nourries par la présence visuelle, la présence olfactive, la présence auditive et la présence tactile de l'autre, eh bien, nécessairement, l'ego va s'emmouracher, c'est-à-dire qu'il va posséder l'autre avec le mot fatidique, un mot qui est tout à fait humain d'ailleurs, mais qui nuit énormément à l'homme, avec le mot « je t'aime ». Alors là, nécessairement, tu deviens dépendant de la chose que ton ego décide d'aimer. Et physiquement, tu as une attraction qui te permet de briser certaines barrières. Par exemple, ta femme pourra te toucher, te masser, etc., ce que d'autres personnes ne pourront pas faire. Alors, il y a donc des barrières qui vont tomber en face d'un rare individu. Et finalement, lentement, ton ego va découvrir qu'il peut très bien se nourrir de la présence de l'autre, de l'événement que l'autre va créer. Et lentement, on devient tout à fait attaché, tout à fait assujetti, et on dit on aime. Alors, on devient mal pris. Et parce qu'on est mal pris, qu'on souffre d'être mal pris, on reste ensemble toute sa vie. C'est la seule façon qu'on peut arriver à ne pas trop souffrir de ce problème humain qu'est l'amour. Alors finalement, vous ne vous êtes pas choisi ni un ni l'autre, mais vous avez décidé que vous avez décidé de rester ensemble. Parce que n'ayant pas de libre-arbitre, n'ayant absolument pas de libre-arbitre, ça devient tellement pénible pour l'ego de supporter des conditions qu'il ne contrôle pas, qu'il préfère donc décider qu'il les contrôle alors qu'il ne les contrôle pas. Est-ce qu'on peut dire, autrement dit, c'est que lorsqu'une personne est manipulée à faire une chose, pour que son ego ne se suicide pas, ou pour que son ego ne se désagrège pas, on va dire ne capote pas, mais c'est pire que capoter, c'est de ne se désagrège pas, pour que l'ego puisse continuer à être présent dans l'âme de l'humain, eh bien nécessairement l'homme, l'ego, va accepter d'être manipulé en disant « je fais ceci », alors qu'en réalité il le fait et on ne lui demande pas son autorisation. Quand un individu boit, il prend la bouteille, puis il boit, ou il prend un verre et il boit, et il va dire « je bois ». Mais en réalité, il ne boit pas. Il est manipulé, le corps physique est possédé, manipulé, et il y a une action qui fait qu'il boit. Mais l'ego, là-dedans, ne veut pas boire. Quand un ego décide, par exemple, de conduire d'une façon trop dangereuse. Ce n'est pas l'homme qui a décidé. Mais l'homme va dire, l'homme inconsciemment décide que c'est lui. Mais ce n'est pas lui, absolument pas lui. Mais l'être humain est tellement petit présentement qu'il n'arriverait pas à supporter un état. L'être humain n'arriverait pas à supporter l'idée, il n'arriverait pas à supporter non plus le fait qu'il habite un corps physique qui ne lui appartient pas, qu'il habite un corps physique dont il n'a absolument pas le contrôle, qu'il habite un corps physique dans un monde qui lui échappe totalement. Et l'ego de l'homme est trop faible, l'ego de l'homme ne pourrait pas supporter, enfin n'a pas pu supporter depuis les quelques milliers d'années où l'ego habite l'homme. L'ego, même aujourd'hui, la majorité des humains auraient de grandes difficultés à supporter la vision globale et totale du fait qu'ils habitent, qu'ils sont placés dans une région qu'ils ne contrôlent absolument pas. Alors, je prends de l'intelligence, je prends avec une paire de pinces à sourcils, je prends une petite bille d'intelligence et je la mets dans un robot. Le robot est dans un contexte planétaire qu'on appelle un écosystème, un planétosystème. Et je prends l'intelligence, elle est intentionnelle. L'intelligence, elle est créationnelle, elle est créatrice. Donc, elle a la faculté d'intentionnaliser les choses. Ça veut dire qu'elle est capable d'avoir des intentions et de modifier l'extérieur en fonction de ses intentions. Et je fais une nuance entre le désir et l'intention. Le désir, c'est une coloration de l'intention qui n'appartient qu'à l'ego. Et l'intention, c'est la réalité même d'une source de création et qui provient d'une action. Une action débute toujours à partir de rien. Une réaction est toujours la suite d'une action précédente ou d'une réaction précédente. Le désir est une force manipulée totalement par les contingences astrales. Et le désir, c'est une réaction amique, donc dans l'âme, face à un événement particulier. L'intention ne peut naître que dans un être qui peut faire des actions. Donc, l'action est quelque chose qui naît de rien et qui a une suite de réactions par le fait même. Et l'être qui a de l'intentionnalité est donc un créateur de monde, un créateur d'événements, et il est un instigateur. Il n'est pas un réactionnaire qui réagit simplement à la mécanicité des choses. Je prends cette bille d'intelligence qui est de l'intentionnalité pure et je la place dans le petit robot. Alors que dans ce monde-là, dans ce robot-là, ma bille, je l'extirpe d'un monde où elle est intentionnelle, où elle est intelligente, où elle est créationnelle, et je la place dans un robot, dans un monde où, une fois extirpée, elle n'a que la conscience, mais elle n'a plus la possibilité, lui manque des bras. Dans le robot, cette petite bille, elle n'a pas le choix, elle finit par se leurrer, et elle engendre un robot système, une mécanique interne au robot, qui va être le corps physique de l'homme finalement, un système où elle pourra se leurrer, s'illusionner, qu'elle est toujours intentionnelle, qu'elle est toujours créationnelle. Alors l'homme va dire que nous sommes l'homme est créateur. Regarde, j'ai fait une peinture. Voyons, c'est pas créatif ça. Tu as pris du stuff qu'on appelle de la peinture, donc c'est une réaction aux couleurs que tu as. Une réaction à l'expérience que tu as. Tu as une toile qui est une réaction encore créationnelle d'un paquet d'autres mécanicités. Tu te branches à l'astral, puis là, tu es stimulé amiquement, psychologiquement. Et puis là, tu vomis tout ça sur une toile de peinture et tu appelles ça de la création. C'est pas de la création, ce n'est que de la réaction. Un inventeur, par exemple, qui invente une nouvelle machine, celui qui a inventé, je ne sais pas, l'informatique, par exemple. Celui qui a inventé ça. Celui qui a inventé ça n'a pas inventé, il l'a découvert. Ça existait? Oui, ça existait déjà. Et en plus, c'est quand on fait attention qu'on parle de ça existait, c'est que toute la probabilité de cela existait déjà. Et c'est par recherche, essai et erreur que finalement tu arrives avec un cortex associatif à enligner ce que tu appelles une découverte, disons une invention. Mais l'être humain n'a jamais rien inventé. Il découvre. Il y a des découvertes qui sont faites par accident, comme le caoutchouc, entre autres, avec le caoutchouc mélangé au soufre, la sulfuration. Il y a des découvertes qui se font par recherche, comme le transistor, qui est une invention de la compagnie Bell en Ontario. Et il y a des inventions, et la majorité des inventions, toutes les inventions d'ailleurs, qu'on appelle inventions, ne sont finalement que des aboutissements réactionnels à travers soit un accident, donc c'est incontrôlé. L'humain va dire que c'est incontrôlé par nous, parce que là, il n'y a pas eu la vitesse cérébrale pour pouvoir s'illusionner que c'est lui qui l'avait contrôlé. Et il y a l'invention qui est une découverte, encore une fois, plus lente, qui fait référence à l'expérience et à l'expérimentation humaine. Et là, l'humain, l'évolution de son invention est tellement lente qu'il peut maintenant s'illusionner que c'est lui qui contrôle. Donc, l'invention serait une réaction à un problème ou à un manque ou à un besoin, qui est une action. Eh oui. Donc là, il y a une recherche pour... Mais l'action, il y en a une seule action présentement présente dans notre système de création. Et cette action-là, elle est toujours présente. Elle est la mémoire de la création même. Alors, il n'y avait rien. Et puis, après un 10 millionième de 10 milliardième de seconde, un peu moins que ça, il y a eu une explosion créationnelle. C'est une action. De cette action découle le reste de l'univers depuis déjà plus de 15 milliards d'années. Ce sont des réactions. On est encore des réactions. C'est une réaction à la chaîne. On est là-dedans. Tout le temps. Alors, il faut donc faire... On revient encore avec cette bribe d'intelligence que l'on place à travers le robot. J'ai toujours dit, je dirais encore, qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'homme est totalement confronté à des manipulations, à des forces manipulatrices, dont la grande majorité ne sont que des mécaniques. Mécaniques qu'à partir de sa constitution, je décide que je mange parce que tu as faim. Tu n'as pas décidé que tu avais faim. Ah ben, tiens, là, j'ai pas faim, je décide que je mange. Oui, là, tu réagis à ce que je t'ai dit avant. Et pour me prouver que tu es un libre arbitre, tu réagis et tu manges. Même si ton corps n'a pas faim, tu es manipulé. L'exemple le plus simple, tu dis à un individu, lève-toi. Ben, il se lève. Ben, voilà, tu es manipulé. Oh, ben, hey, tiens, ben, je vais vous dire comment, je suis plus manipulé. Lève-toi, non. Je veux qu'il reste assis, tu sais. Lève-toi, non. Voilà, il reste assis. Totalement manipulé. Mais là, il ne sait plus. Là, il va dire, non, là, c'est moi qui décide. Je décide maintenant quand je me lève. Ouais, reste donc assis. Tiens, je reste pas assis. Est-ce que c'est lui qui contrôle? Absolument pas. Je peux faire ce que je veux avec lui. Il est totalement manipulé. En plus, il est omnibulé. Il ne voit plus. Alors, l'individu décide de travailler. Non. Il y a un besoin qu'il pousse. Il y a une contrainte qu'il pousse. Il y a un attrait social qu'il pousse. Ce n'est pas une décision de sa part. Là, il y en a beaucoup qui ont décidé d'aller en vacances. Dites-moi pas. Parce qu'ils vont en vacances seulement dans le temps où ce que c'est permis. Hein? Ils décident. Il y en a pas mal qui ont décidé ça aujourd'hui. Oui, ils pensent avoir décidé ça. Il y en a qui ont décidé ça, qui ont un libre arbitre et qui vont se tuer pendant les vacances de la construction. Mais ils n'ont pas décidé qu'ils allaient se tuer pendant les vacances. N'empêche qu'il y en a beaucoup qui vont se tuer. C'est fréquent. L'être humain n'a pas de libre arbitre et l'être humain qui décide de... L'être humain qui n'a pas la possibilité d'avoir la conscience qu'il n'a pas de libre arbitre n'en aura jamais. La petite bille d'intentionnalité qu'on place dans le robot, donc le peu d'intelligence qui habite l'homme, peut rendre l'homme intentionnel, peut rendre l'homme créationnel, donc peut rendre l'homme libre. Sauf que 95% de ce que l'homme croit être lui n'est pas l'homme. Ça appartient à quelque chose d'autre. On prend la bille, on la met dans une marionnette. La marionnette est attachée avec un paquet de fils. Alors, il y a quelque chose qui manipule, et qu'est-ce qui manipule? Toutes les fils sont attachés ensemble. On est 5 milliards de marionnettes, toutes les fils sont attachés ensemble après un même bâton. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une marionnette qui s'effoire. Elle n'est pas tenue, mais en s'effoirant, elle bouge tout le paquet de cordes au complet. Fait que toutes les marionnettes à l'extérieur du monde se mettent à bouger. Là, on va dire, qui nous manipule? Tout le monde, rien. Parce qu'on vient de tuer un humain là-bas, tout le monde grimpe ici. C'est simple. Mais le bâton, c'est qui? Le bâton, c'est rien. C'est quoi? C'est une mécanique. Le bâton, il est là simplement. Ce que je veux dire, c'est que la grande partie des manipulations n'est pas intentionnelle. Nous, on croit qu'elle est intentionnelle. On va appeler le bâton Dieu. Mais c'est pas plus intentionnel. Dieu est manipulé par l'homme. Pris le pas, il envoie Marie, fait des apparitions, le cœur dehors, le cœur en dedans. Il crée des tremblements de terre. Dieu est manipulé de A à Z. Veux-tu avoir un tremblement de terre? Cesse de prier Dieu. Veux-tu que Dieu se sente mal? Prions-le plus. C'est simple. Adorons Satan. Savoir que Dieu va se morfondre dans le monde de la mort, dans le ciel. Dieu aime l'homme, et l'homme doit faire ceci, cela, cela. L'amour conditionnel. N'importe qui aime d'un amour conditionnel, tu l'as dans ta main. Tu m'aimes d'un amour conditionnel, c'est réglé. Tu m'aimes à la condition que je fasse ceci, cela ou cela. Voilà, t'es fait. M'offrir ça, si tu... Mais là, si tu veux que je le fasse, ça va me donner ce que j'ai besoin. C'est simple. Ton enfant vient te voir, il va dire, « Papa, hein, je sais que je t'aime. » Bon, après ça, peux-tu me donner 5 cents? Ah, t'es fait, ton tabac de mouche. Tu l'aimes d'un amour conditionnel, t'es réglé. Dieu nous aime d'un amour conditionnel, on peut faire la grève, on peut faire n'importe quoi. On peut avoir ce qu'on veut. Le problème, c'est que Dieu, c'est une farce. Le Dieu que l'humanité prie, c'est un morceau de bois en haut auquel on est attaché. Et nécessairement, quand une humanité se met à foirer là, bien, tout le reste met à grimper. Mais comme ça grimpe, puis ça redescend, bien, ça grimpe ici, puis on est manipulé comme ça. On appelle ça un écosystème. Chaque fois qu'un être humain, quelque part, fait quelque chose, ça a une influence sur le reste de la planète, du point de vue humain. Et dans l'Antiquité, on savait ça. C'est pourquoi on parlait de loi du karma. On disait simplement que tu ne peux arracher une fleur sans déranger une étoile. C'est un fait. Sauf que l'étoile vous dérange, franchement. Pas beaucoup. Bon, elle se dérange, ça ne dérange plus après. Bon. L'être humain est manipulé dans la majorité des cas par un morceau de bois. On est tout attaché, finalement, hein, à l'autre et des autres. Oui, il n'y a pas de qui nous manipule. Il y a quoi nous manipule. Et ce quoi-là, c'est les forces astrales. Les forces astrales, c'est quoi? Ce sont les cordes, les canaux réincarnationnels qui nous relient à un monde de la mort que nous avons engendré il y a de cela 4,5 milliards d'années à travers l'évolution de notre planète et que nous avons renforcé, surtout depuis pendant le 16e et 17e siècle. Nous l'avons nourri. Et aujourd'hui, bien, nous sommes en train de développer une partie mentale à travers ce monde de la mort. Et c'est pourquoi il y a de moins en moins, disons, de personnes, de jeunes qui veulent être religieux. Ah, il y a de temps en temps des recrudescences, les religions s'en vont, puis ça remonte un peu, ça s'écrase, ça remonte un peu, pour du content. Bon. Mais ça, c'est simplement un manque de sécurité au niveau de celui qui évolue. De temps en temps, tu évolues, tu grimpes après une échelle, puis à un moment donné, tu te sens coupable. Là, c'est le temps de faire un repos. Alors, tu redescends un peu, c'est un palier, puis là, tu t'en vas te faire pardonner par Dieu. Puis quand Dieu t'a pardonné, 2-3 mois après, 2-3 ans après, ben, tu recommences à aller fouiller en haut. L'humain a toujours été comme ça. Est-ce que la religion tend la corde de la marionnette? Est-ce que les marionnettes ont toutes la même longueur de corde? Non, il y a des marionnettes qui ont plus long de corde, il y a des religions qui laissent plus de lousse, il y a des religions qui étranglent plus. Il y a des religions qui obligent les humains à aller à la guerre, des religions qui obligent l'humain à manger des claques en pleine face puis après à présenter l'autre jour. Il y a des religions qui obligent la femme à être des animaux, sinon des mopes. Il y a des religions qui obligent l'homme à se faire mal, à se massacrer, à se torturer, parce qu'il y a différents dieux. Alors les dieux ne demandent pas la même chose, c'est évident, il n'y a pas un dieu, il y a plusieurs dieux. On adore un dieu, oui, tu adoreras un seul dieu, ça va de soi, c'est préférable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un, mais adore-en un qu'un, par exemple. C'est mieux. C'est ce que lui te demande. Ça va de soi, nourris-les, il va te Est-ce que tous ont la même longueur de corde, en dehors de la religion, l'ensemble des êtres humains? Non, planétairement, selon la génétique, selon l'intelligence qui va habiter l'individu, plus l'individu... Faire attention. Bon, on reprend encore ce petit grain d'intelligence qui peut habiter l'être humain. Je n'ai jamais parlé de cela en conférence, jamais jusqu'à date. Alors, on va justement parler du débarbette. On va parler de la possibilité de briser ces cordes. Il y a une possibilité, nécessairement, où la marionnette va arriver à étirer sa longueur de corde. Pour arriver à étirer sa longueur de corde, la marionnette doit devenir hypocrite, c'est-à-dire que la marionnette doit embarquer dans un plan archangélique, c'est-à-dire que la marionnette doit faire plaisir à Dieu, faire croire au Dieu auquel ses cordes sont rattachées, que la marionnette va maintenant essayer d'aller détacher les cordes. Il y a d'autres marionnettes pluguées à d'autres dieux, c'est pluguées ici. Autrement dit, si tu veux convertir les gens au nom de ta religion, on te donne plus de cordes. Premièrement. Si tu veux sauver l'humanité, au nom d'un Dieu, oui. Mais au nom de l'intelligence, non. Il n'y a pas un seul Dieu qui est intelligent. C'est un morceau de bois. On t'attache après. Fait que, on va prier. Ce qui va arriver, c'est que quand l'être humain prie, il met de l'énergie. Alors, c'est évident que si on est 500 000 à prier, on met assez d'énergie sur le morceau de bois que finalement, il y a un penchant pour nous autres. Alors, ça crée des remous ailleurs. Et on pense qu'on a raison, qu'on a le bon Dieu. Mais quand la gang opposée commence à prier en masse, lentement, puis tout on s'endort, parce que maintenant qu'on a le résultat, on s'endort. Tu sais, quand Dieu t'a donné ta récompense, tu ne le remercies pas pendant 2-3 semaines, mais après ça, finalement, Dieu, tu l'oublies. C'est quand l'être humain a des problèmes qu'il recherche Dieu. L'être humain qui n'a pas de problème, il ne recherche pas Dieu. Exactement. Quand le riche le recherche Dieu, c'est parce que le riche s'ennuie. Il y a des problèmes. Le pauvre, son problème, c'est l'argent. Le riche, son problème, c'est aussi l'argent. L'argent qu'il a. Le pauvre, c'est l'argent qu'il n'a pas. Bon, bien souvent. Toi, tu es entre les deux, tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre, ça va bien, c'est évolué à ce temps-là. T'sais? Mais c'est ce qui arrive. La grande partie de ce qui manipule l'être humain est simplement l'obligation que nous avons de respirer le même air. Ce qui manipule l'homme, c'est l'obligation que nous avons d'habiter la même planète, le même espace-temps. C'est ça qui manipule l'homme. Et il n'y a pas de quoi intentionnaliser, il n'y a pas d'intention. On va dire Dieu nous aime, Dieu ne nous aime pas, Dieu ne peut pas aimer. Dieu aime l'homme autant que l'homme s'aime. Dieu, c'est de la mémoire humaine, donc ça ne peut pas aimer l'homme plus que l'homme s'aime. Dans un pays où l'être humain saillit, ben Dieu haït l'homme. La preuve, c'est que l'être humain saillit, puis il peut se massacrer, se tuer, se violer, il peut faire n'importe quoi. Puis Dieu, ben Dieu n'a pas l'air trop à être frustré par ça. Mais dans une autre époque, dans une autre région, où on a des commandements de Dieu qui disent que l'homme doit s'aimer, eh bien, si l'homme s'aime, Dieu aime l'homme. Si Dieu était juste et bon, comme il est dit, il n'y aurait pas de, de famine, il n'y aurait pas d'enfant qui meurt de maladie. Dieu est juste et bon, comme le prêtre le dit. Quand le prêtre décide de t'excommunier, Dieu est juste et bon, il t'excommunie. Quand le prêtre décide qu'il faut que tu m'amènes des brebis, Dieu est juste et bon, il faut que tu m'amènes des brebis. Dieu est juste et bon selon le prêtre, selon l'Église, selon la religion, mais jamais selon le peuple. C'est selon les privilégiés que Dieu est juste et bon. C'est eux autres mêmes qui décident. Il y a eu des dieux justes et bons qui disaient à l'homme qu'il fallait faire des sacrifices humains. C'était juste et bon. C'était logique, c'était évident. Ici, il vous a donné un enfant, puis maintenant, il le reprend. C'est à lui! Fait que là, la mère, elle peut dire, c'était peut-être à lui, mais qu'il se branche, c'est orgueux. Il donne, prend, donne, prend. Donne des donne. Eh oui, Dieu est juste et bon, selon la bouche de celui qui le dit. Mais cosmiquement, Dieu, franchement, oublions ça complètement, c'est un morceau de bois. Alors, nécessairement, l'être humain qui habite un paquet de marionnettes, 5 milliards, 300 millions de marionnettes, sur un même contexte planétaire, avec des sphères astrales absolument différentes d'un bout à l'autre, donc des religions différentes, donc des morceaux de bois différents. Il y en a en ébène, il y en a en plâtre, il y en a en ciment, il y en a en acier inoxydable, il y en a en aluminium avec des alliages, bon, dépendant des nations. Alors, on n'a pas le même poids, on n'a pas les mêmes mesures. Il y en a qui vibrent longtemps, ce qui fait que quand tu donnes une plaque dans cette religion-là, ils taillissent pendant 3000 ans. Parce que la résonance, ça reste longtemps. Le bâton vibre longtemps. T'en as d'autres que c'est en béton, ça résonne à peu près pas. Ça fait beau leur donner n'importe quoi. Comme par exemple le bâton chrétien, c'est du béton. Tu peux tuer des chrétiens. Tu entends que t'en veux des chrétiens. Les chrétiens, ils continuent à prier, puis ils rient mourant. Ils prient. Bon, alors ça résonne pas, ils taillissent même pas. Si tu peux en tuer tant que tu veux. T'as d'autres peuples, par contre, tu sens pas trop. Tu sais, on prend un avion, puis on le garoche en haut d'un champ de bataille, puis on attend qu'on descende. Ça dynamise en sacré bleu le bâton. Ça, on commençait un peu à se demander là-bas là, s'il fallait continuer à haïr les autres. Là, maintenant, on sait qu'il faut continuer à haïr les autres. Bien sûr. Mais est-ce que les bâtons entre eux sont reliés? Non. Par contre, les bâtons ne sont pas reliés entre eux, mais ils se tapent. Ils sont dans un contexte planétaire où ils doivent se compter les uns avec les autres. Ça crée donc des guerres dans le ciel. Ils ne se touchent pas, mais ils sont proches. Ah, ils se tapent dedans, ils rentrent dedans les uns et les autres de temps en temps. Première forme de manipulation, c'est une manipulation qui est exclusivement mécanique. Je suis fatigué, je vais dormir. Ce n'est pas un choix, tu es fatigué. Si tu n'es pas fatigué, tu n'irais pas dormir. J'ai faim, je vais aux toilettes. Ça, c'est tout à fait mécanique. Tout le corps physique répond à des réactions. Oui. J'ai décidé que je m'occupais de mes dents. Ouais, si tu n'en avais pas tes dents, tu n'en occuperas pas, hein? Bon, tu n'as pas décidé grand-chose. En plus, tu en occupes pourquoi? Qui sera parfait, tu n'en occuperas pas non plus, hein? Tu n'as pas décidé grand-chose. Bon. Donc, là, au niveau du corps physique, il n'y a pas de décision, ce ne sont que des réactions. S'il y avait des décisions, il n'y aurait probablement pas de maladie, il n'y aurait pas d'infirmité, il n'y aurait pas de... Il faudrait qu'il y ait de l'intelligence, premièrement, chez l'homme, ce qu'il n'y a pas encore suffisamment. La deuxième partie manipulée, ça va être ce que l'être humain appelle sa psychologie. Psychose veut dire âme, donc parlons de l'âme pour l'instant. De ce qui anime l'homme, anima, âme, ce qui anime l'homme. Ce qui engendre l'émotion, le désir, ce qui se rappelle, ce qui a la mémoire, ce qui trouve les choses belles, ce qui aime souffrir. Ça, on va dire que c'est là qu'on a le libre-arbitre. Le corps physique, on comprend, quand il y a une porte qui te tombe sur la tête, bien ta tête, elle se défonce, puis tu n'as pas le libre-arbitre, tu sais, elle se défonce pareil, rien à faire. Bon. Mais là, l'être humain qui est d'accord avec le système physique engendre l'idée de la pensée positive. Donc, l'âme va maintenant avoir un libre-arbitre, il va décider pour le corps physique. J'ai un corps en santé. La lumière qui rayonne au travers de moi pisse sur tout le monde et rend le monde heureux. C'est des paroles de pensée positive. Mais... Est-ce que ça marche? Ah ben non, ça marche pas. Pourquoi? Si ça marcherait, on serait tous millionnaires depuis longtemps. Hein? Joseph Murphy aurait rendu l'humanité tellement belle, tellement extraordinaire. Non. À un point tel, d'ailleurs, que les livres de Joseph Murphy se recommencent à se vendre sur le marché. Parce que ça va avec mal. Avec de nouvelles couvertures. C'est les mêmes qui vont les racheter. Donc là encore... Deux vieux livres sont usés, sont maganés, ils ont perdu. Ça n'a pas marché. Puis finalement, c'est tellement bien placé pour l'ego, où on te fait croire, c'est pas la faute de Joseph Murphy, c'est génial qu'il a fait ça, ça le permet à l'humain de s'égoïser, puis de se casser la gueule. Là, il apprend, il se dégoïse. Alors, on fait à croire à l'être humain qu'il a sa vie entre ses mains. Et l'être humain, tel qu'il est conçu présentement aujourd'hui, n'a pas sa vie entre les mains, il n'a même pas ses mains entre les mains. Rien. Alors, on vend, l'être humain achète le livre, il est manipulé, il est tout pogné, il y a un problème. Le pouvoir de votre pensée, ah, génial. Le pouvoir de votre subconscient, ah, ça doit être ça. Tout ce que j'ai pas à ma conscience, c'est ça qui fait tout. On est bien bâti. C'est encore une réaction à un problème. La conscience, ce qui te donne dans ta conscience, ça ne sert à rien, mais c'est ton subconscient qui peut tout faire. Là, tu apprends à t'auto-hypnotiser, à fouiller en dedans, puis à décider de ta vie. Moi, je décide que je vais être président de la Banque Royale. Toi aussi, puis lui aussi, puis elle aussi, puis lui aussi, puis elle aussi. Toi, le téléphone sonne, puis c'est le gérant de la Banque Royale qui t'appelle. Là, tu comprends le libre arbitre, c'est ça? C'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé, oui. Alors voilà, la pensée positive, mets-la aux poubelles. Certains vont dire, oui, mais il y a des êtres humains qui ont guéri simplement d'un cancer incurable lorsqu'ils ont décidé par la pensée positive de guérir. C'est évident, ça! C'est sûr! Il y en a d'autres qui ont décidé de mourir, puis qui vivent encore, puis qui ont guéri. Puis il y en a un paquet qui ont décidé de vivre, puis par la pensée positive de se guérir, sont tous morts. On fait de la publicité avec ceux que ça marche. C'est qu'il y a un pourcentage de probabilité que ça fonctionne, donc on prend ça. Non, il y a un pourcentage de probabilité que le malade guérisse, qu'il fait de la pensée positive ou pas. Mais sans égard à cette pensée-là, qu'il guérisse de toute façon parce qu'il serait guéri, même s'il n'avait pas voulu. Qu'est-ce que ça fait, la pensée positive? Ça permet à l'homme de continuer à se leurrer qu'il a un libre-arbitre. Et là, il commence à projeter des choses. Et là, il projette, puis il se concentre, puis il projette. Je l'ai déjà dit, si tu projettes ce qui va arriver, ça marche. Mais si tu projettes des choses qui n'arriveront pas, ça ne marche pas, tu les auras pas. Fait que si tu veux continuer à te leurrer, projette ce qui va marcher. Mais finalement, ça revient la main, ça revient à dire, quand il se met à pleuvoir, eh bien, tu dis, je veux qu'il pleuve. Il pleut. Hey, les barbites totales. Ça permet à l'être humain de continuer à ne pas trop souffrir sur sa misère humaine. Donc, l'inverse serait vrai aussi. Si quelqu'un qui est, par exemple, chanceux, c'est-à-dire qui se prétend chanceux, puis qui dit tout le temps, il faut pas que je dise ça, ça va m'attirer de la bad luck, c'est impossible aussi. Tu peux pas avoir une pensée négative qui va t'emmener des choses négatives. Vu que tu peux avoir... L'être humain est un être humain, il est manipulé. Hein? Bon. L'être humain, il prétend continuellement, dis pas ça, ça peut l'attirer. C'est quoi un accident? On parle pas de même des coups, ça l'attirait. Mais par contre, quand tu dis on va gagner à la loterie, elle dit pas « Ah oui, tiens, dis-le, ça va l'attirer. » Non, on n'attire rien que les mauvaises choses, nous autres. On n'attire pas les bonnes choses. Les bonnes choses, on se rend compte que ça ne marche jamais. Vois-tu, c'est la même problématique que pour les gitans, les Romanichel. Pendant longtemps, les Romanichel avaient un contact avec l'astral qui leur permettait d'avoir une idée de ce qui s'en venait. Lorsqu'une épidémie, lorsqu'un problème arrivait, ils sacraient le camp. Et parce qu'ils étaient partis et qu'un mois ou deux mois après l'épidémie arrivait, tout le monde pensait que les Romanichel avaient acheté un sort. Alors, quand les Romanichel arrivaient quelque part, on leur donnait tout ce qu'ils voulaient, pas qu'ils jettent le sort. Mais veux, veux pas, à un moment donné, surtout qu'à l'époque, en Europe, en Allemagne, un peu partout ailleurs, la propreté, c'était... Le mot existait peut-être, mais je ne suis pas sûr. Alors, nécessairement, il y avait toujours des épidémies, des épiconneries. Et puis, les Romanichel partaient. Et là, on disait, bon, ben c'est de ta faute, il y en a encore un qui a fait ceci, qui a fait cela. Comme quoi, on a un libre-arbitre. On n'en a pas. Pas l'humain en général tel qu'il est conçu sur la planète présentement, c'est zéro de liberté. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à si on était assis dans une remorque qui se fait tirer par une voiture, on s'installe un volant, on pense qu'on conduit, mais si l'autre passe en avant, s'il passe dans un trou, on va passer dedans de toute façon. Ça, c'est le phénomène de marionnette. À un moment donné, il y avait des annonces à la radio, dans les journaux, de personnes qui demandaient aux gens de se réunir, disons, telle date, telle heure, pendant une heure, et de se concentrer pour émettre des énergies pour que sur la Terre, il n'y ait que de la paix. Et les autres, ils disaient que si 100 000 humains en même temps se concentraient pour que la Terre change d'orbite, elle devrait changer d'orbite. Vanité humaine. Vanité d'ego. Un seul humain intelligent lève le doigt et la Terre change d'orbite. Mais des milliards d'êtres humains avec de l'ego auront beau faire ce qu'ils voudront, mettre des bombes nucléaires tout d'un côté, la Terre ne bougera presque pas. Eux autres, ils se sont réunis pour que sur la planète Terre, il y ait la paix. Preuve que c'est une farce. Pourquoi ne se réunissent-ils pas les 100 000 pour faire en sorte que dans un mois, il y en ait 1 million d'humains? Étape par étape, manipule-les. Et dans un autre mois, 2 millions, et dans un autre mois, on finit lentement par grimper l'échelle, puis on arrive à avoir les 5 milliards d'humains. Puis le vendredi à telle heure, paf, se mettre en méditation puis prie pour qu'il y ait de la paix sur la planète. Donc là, tu l'aurais parce que tu aurais... Pendant cette heure-là. Oui. Mais ça ne marche pas. La pensée de l'homme ne peut rien à part s'assujettir aux cordes et penser qu'il est quelque chose. Comment on fait pour les couper, ces cordes-là? Est-ce qu'on doit la couper, voilà. Premièrement, on ne doit pas les couper. Parce que si tu prends les cordes de l'être humain et que tu les coupes, l'être humain, il devient de la boue. Parce qu'il tombe, la marionnette, ça n'a pas de corde, elle est morte. Chaque fois que tu coupes les cordes, tu tues quelqu'un. dans l'état actuel des choses. Et quand tu tues quelqu'un, ben, ça fait un pas de moins sur le bâton bouge un peu, ça fait un remue-ménage à travers le lot complet. Ceux qui sont tout proches de l'individu, c'est les premiers qui vont se lever. Alors, ils vont se mettre à pleurer, la personne est morte, ils réagissent totalement. Manipulés de A à Z, là, faut-tu mettre 2-3 000 piastres, le cercueil, les fleurs, les chiles, ça. Tu t'en vas dans la rue en traînant avec tes lumières allumées. Bon, manipulés. Ça, c'est un phénomène intéressant. Premièrement, pour que l'être humain considère la probabilité d'arriver à être libre, d'avoir un libre-arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre-arbitre? Je vais vous expliquer premièrement qu'est-ce que ça devrait être le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est la possibilité de faire tout ce que l'on veut faire. Simple. C'est ça, le libre-arbitre. Tout. Tu veux traverser les murs, tu traverses les murs. Tu veux voler, tu voles. Tu veux aérovoler, tu aérovoles. Tu fais ce que tu veux. Le libre-arbitre. Vous voulez aller visiter la Lune, pas besoin de navette, vous allez visiter la Lune. Et qui auront un libre-arbitre? Ça va prendre encore... Yo, la première personne, elle va aboutir, elle est en train d'aboutir au niveau du libre-arbitre. La deuxième personne, ça va lui prendre encore plus ou moins 2 ans. La troisième personne, ça va lui en prendre 3 ans et quelques mois à partir de maintenant. Et les autres personnes, on peut parler de jusqu'à la sixième personne, ça va leur prendre 12 années. Et après ça, ben là, on commence à s'étendre un peu plus. Éventuellement, dans les siècles ou dans les années qui vont suivre, est-ce que les ça va siècles, être... non, les millénaires. Les millénaires, on peut penser que la planète sera habitée de gens qui auront le libre-arbitre. Est-ce qu'ils habiteront encore la planète s'ils ont le libre-arbitre? Oui. Oui? Ça ne sert à rien de déménager quand tu peux repeindre les murs. On va réaménager la planète. Alors donc, qu'est-ce que c'est que le libre-arbitre? C'est la possibilité de faire ce que l'on veut. Ça veut dire que si je veux m'asseoir en même temps que toi, sur la même chaise que toi, je le peux, si je l'ai barbé. Alors, les individus nous verraient tous les deux mixer les uns un dans l'autre, on serait assis l'un là. Si je décide que je vais m'asseoir là et que tu n'es pas là, et que tu décides que tu t'asseoir là et que je ne suis pas là, il n'y a aucun problème. Si on a les barbés, aucun problème. Parce que chaque être humain vit sur une planète à part. C'est le phénomène des mondes parallèles. C'est ce qui arrive. Donc, le libre-arbitre, c'est la possibilité d'avoir le corps physique que l'on veut avoir, d'avoir le monde que l'on veut avoir. Quelqu'un qui a un libre-arbitre ne veut pas avoir de l'argent. L'argent, c'est pour avoir quelque chose. Celui qui a un libre-arbitre a de l'intelligence. Il s'arrange pour avoir les choses. Pas l'argent. Pourquoi passer par des intermédiaires, par des étapes? L'intelligence qui habite l'homme, elle est là pour justement donner à l'être humain, à la matière, la possibilité d'exprimer de l'intention, de l'intentionnalité. Donc, elle est là pour donner à l'homme un libre-arbitre. Sauf que la matière, ainsi que le corps vital, le corps astral, le corps mental, tout ce qui est tributaire de notre planète Terre, donc de la matière, n'a absolument pas de libre-arbitre, il est totalement régi par le bâton. Et si l'on pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous sécuriser qui manipule les bâtons un petit peu? Ouais. C'est l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas prier de l'intelligence. L'intelligence, c'est comme un courant d'eau. Si tu es à 50 pieds de la rivière, tu as beau prier, l'eau ne viendra pas vers toi. Tu devras te déplacer vers la rivière, elle passe là. Si tu arrives à la rivière, quelle que soit ton ethnie, ta face, si tu es propre ou sale, l'eau ne te sera jamais refusée. Mais tu devras te rendre à la rivière. L'individu qui s'accroche à des religions organisées, à des mécanicités habituellement très problématiques, ben, il s'assoit à 50 pieds, ou même à 2 pieds de la rivière, et puis là, maintenant, il se concentre, il prie, il médite, il envoie des bonnes pensées, il répète des mantras, il envoie quelqu'un. Et ce qui arrive bien souvent, c'est qu'il y a un maître qui s'assoit à 2 pieds de la rivière, et puis là, il est légèrement baigné par l'humidité de la rivière. Et puis là, les gens qui sont à 50 pieds, eh bien, le maître commence à les enseigner, puis il leur dit, « Moi, je suis proche de la rivière, suivez-moi et vous aurez de l'eau. » Le problème qu'il y a, c'est que le maître n'est pas à la rivière, donc il ne peut pas humidifier personne. Il n'a pas le pouvoir non plus de dévier la rivière pour les gens. Surtout que c'est énergétiquement plus facile d'amener les gens à la rivière que d'amener la rivière aux gens. Et en plus, ce maître-là, eh bien, restant là, bien souvent, il va décrire des choses. La majorité des êtres humains vont adorer le maître plutôt que l'eau qui est en arrière. Il ne voit pas la rivière. Et de temps en temps, peut-être, un va finir par écouter ce que le maître dit. Il va se rendre à la rivière. Mais si le maître... Il va surplanter son maître. Pourquoi le maître ne le fait pas, lui? Le maître, pourquoi il ne continue pas? Ouais, pourquoi il ne va pas de le maître est manipulé. le maître est attaché à un bâton et le bâton traîne un paquet d'humains en arrière de lui. Alors le maître, il veut avancer, le maître, il ne peut pas, le maître, il se dit... Il faut qu'il déplace la foule. Il faut que je sauve l'humanité. Ah, il faut que je sauve mon peuple. Le maître, il se donne une mission planétaire. Avec sa maudite mission planétaire, bien, ça retourne de bord et il dit, suivez-moi. Comme la gang, ils sont tous assis dans le fauteuil, bien, suivez-moi. Oui, oui, oui, oui. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Première énergie que le maître aura besoin, c'est de l'énergie financière. Pour pouvoir se bâtir ce qu'il faut, un bulldozer, quelque chose pour le traîner, pour se rendre vers la rivière. Il aura besoin d'énergie. Cette énergie-là, elle devra être humaine. Alors, il aura besoin d'un paquet de fidèles. Les religions font la même chose. Les sectes aussi. Un paquet de fidèles qui vont commencer à prier. Prier le maître. C'est-à-dire que le maître va s'organiser pour créer un petit bâton sous-jacent au gros bâton. Il va essayer de s'organiser pour attacher la gang qu'il suit d'après son bâton à lui. Prier, ça va démettre de l'énergie là, ça va soulever le maître. Et là, le maître, il aura peut-être assez d'énergie pour se ramasser dans la rivière. Mais une chose certaine, c'est que le maître qui se ramasse dans la rivière, il est automatiquement déconnecté de la ficelle. Fait que là, tout le monde retombe de l'autre bord. Là. Tout le monde retombe de l'autre bord, plus de maître, mais le maître ne peut plus aider. Suivez jamais un maître. C'est la problématique. Alors, il arrive ceci. On a un individu qui se présente à un moment donné et qui se met à sonner les cloches. Bening, bening, ça veut dire réveillez-vous, c'est un sonneur de cloches. Toutes les gens viennent voir, hey, ça fait du bruit. Toutes les gens viennent voir le sonneur de cloches, puis le gars, il dit bening, bening, bening, bening. Rivière, par là. Hey, le monde, il regarde le sonneur de cloches, il dit maudit qu'il a l'air bien. Là, il s'assoit tout en avant du sonneur de cloches, puis du clocher, puis il l'admire, il la regarde. Tabarnouche, le gars, il est là, hey, la gang des caves. Là-bas. Mais non, voyons non, pourquoi tu veux qu'on s'en aille? Ça fait de la belle musique. T'aimes pas l'humain? Ouais. Voyons non, t'es bien inhumain. Crime, on veut te regarder, on veut te toucher, on veut te têter. Puis tu nous envoies promener. Ben là, tu sonnes les cloches, à un moment donné, il va dire, oui, c'est par là. Les gens, ils voyons non, par là, c'est par là. Fait qu'il va dire, tiens, 3000 piastres, donnez-moi-les, je vais vous montrer la place. Ah, là, les gens, 3000 piastres, c'est cher, pas mal. Cher, il va dire, ben quoi, c'est fourré? Ouais. Mais quand les êtres humains se font avoir, tu te fais avoir de toute façon par la vie, t'sais. Tu meurs de toute manière à un moment donné si tu n'as pas appris à transcender certaines choses. Tu vas t'essayer quelque part, tu t'es fait avoir, c'est pas vrai. Tu as appris à détecter les choses qui sont pas bonnes, c'est simple. Tu as appris. C'est une leçon. C'est pas le cours auquel tu t'es inscrit, c'est pas le cours que le gars ou la fille voulait te donner, mais c'est le cours que tu as eu. Et puis à un moment donné, tu as une chance aussi de tomber sur la bonne affaire. C'est comme en affaire. Si tu n'investis jamais au cas de te tromper, ben tu réussis pas non plus. Fait que nécessairement, tu te trompes, ton argent va à la banque, c'est en pire place, c'est un voleur légal, tu te fais carrément ramasser. Alors autant perdre parce que tu as essayé que de perdre parce que tu n'as pas essayé, mais tu perds de toute manière. Alors lorsque l'intelligence se présente, elle accroche un cheveu de l'homme. L'être humain nécessairement commence à vibrer. Ça, ça va venir confirmer dans son ego qu'il a un éperbite. Quand l'intelligence commence à toucher l'homme, première chose qu'elle va lui montrer, c'est le phénomène justement de manipulation. On n'a pas de l'éperbite. Là, l'être humain, il commence étape par étape. On n'a pas de l'éperbite parce qu'on est manipulé. Mais là, à partir de maintenant, tiens, je ne suis plus manipulé. L'éperbite totale, c'est ce que l'humain pense. Là, il rentre dans le clan des manipulés qui pensent qu'ils ne le sont plus. Le clan des malades. Bon, les MM. Des malades manipulés. Là, il rentre là-dedans. Et ce qu'il va faire normalement, c'est qu'il va commencer immédiatement à couper des liens. Alors, il va dire, tiens, la religion, schnack, schnack, schnack, schnack. Le soin. Si c'est manipulation, tu vas à l'église, tu sais, il passe le chapeau. Avant, j'en prenais, je me sentais coupable. Et maintenant, j'en mettais. Mais est-ce qu'il n'y a pas raison de couper des liens? Non. Est-ce que c'est pas justement des Il n'y a pas raison de couper des liens. C'est bien qu'il le fasse, il n'y a pas raison, parce que ça ne le regarde même pas, c'est une manipulation, c'est une réaction. Bon. Alors, lentement, il coupe ces liens-là, mais la problématique qui va arriver, c'est que les liens, en les coupant, il les connecte ailleurs. Et il décide apparemment, tiens, moi, je ne suis plus manipulable, je ne suis plus catholique, puis maintenant, je décide d'être catholique. C'est pareil, pareil. Ou bien, tu n'es pas catholique, tu es Jéhovah, ben non, tu es mormon, ben non, je vais plus à l'église, je médite. Même chose. Ou simplement, tiens, je gagne dans la matière, je deviens matérialiste, je fais de l'argent. C'est ça la même affaire, un dieu pour un dieu, c'est la même chose. Notre être humain, à ce niveau-là, la seule problématique qu'il y aura, c'est que la vie qu'il est en train de mener, c'est ça qui lui ouvre les yeux. Alors, l'intelligence a réussi à rejoindre la personne, le bonhomme ou la bonne femme, par le chemin de sa vie. Il y aura des changements qui devront se faire pour ajuster le canal d'intelligence à l'humain. Mais quand c'est l'ego de l'homme, quand c'est le maudit ego de l'homme qui décide de tout transformer la vie, Il y en a qui lâchent leur job, lâchent leur femme, lâchent leur mari, lâchent tout. Puis après 2, 3, 4, 5 mois, ben on les lâche aussi. Il n'y a plus rien. Il y en a qui se suicident, il y en a qui sont malades, il y en a qui se mettent à boire. Il y en a qui sont carrément perdus. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont, en coupant les liens qui leur permettaient de monter, ils ont coupé aussi le canal qui leur permettait de monter. L'être humain doit faire énormément attention. Premièrement, on ne doit jamais couper un lien parce qu'on maudit le lien, parce qu'on haït le lien. Ça devient une réaction émotive, une réaction totalement manipulée par l'astral, donc une réaction même du breton. Mais comment faire pour savoir que c'est une réaction, justement, émotive? Ou comment mesurer ton geste pour savoir que c'est une décision intelligente ou c'en est pas une? Ou... Bon, c'est une question qui est dangereuse parce que la vraie réponse réelle, c'est que tu ne peux pas le savoir, ce qui fait que tente ton coup, il y en a qui vont passer puis il y en a qui vont se casser la gueule. Plein de chance. Ouais. Maintenant, on va dire, Daniel dit jamais ça en conférence, il y en a plein pas ceux qui vont commencer à vouloir faire ça et qui vont se casser la gueule. L'affaire qu'il y a, c'est la seule façon avec qu'il y en ait qui réussissent. Alors, je le dis pas. OK. J'ai pas compris non plus. Parfait. D'ailleurs, c'est pose pas enregistré. Pose pas de questions comme ça. OK. Bon. Mais effectivement, on peut continuer à dire à l'être humain, il y a moyen de, alors que dans 99% des cas, c'est faux. Ce sont des menteries. Des menteries qui ajustent certaines choses. Ça permet à l'humain de se dire, tiens, plus de Bible, ah, mais le Nouveau Testament est encore bon. Ah, ben, c'est moins pire. Après ça, ben, plus de Nouveau Testament, mais la couverture est bonne. Ah, ben, c'est moins pire. Après ça, la couverture n'est pas bonne, mais l'encre est bonne. Ah, ben, c'est moins pire. Sauf qu'on étire les choses. Puis le problème, c'est qu'un jour, il va dire, crée, même l'encre, c'est pas bon. Ah, ben, il m'a fourré. Mais tu ne l'as pas fourré. Tu lui as donné de la chaise roulante, la béquille à roue, la béquille à caoutchouc. Après ça, seulement la canne. Après ça, il t'accorde sa tête, tu le fous là. Il aurait préféré que tu y aies ta chaise roulante, tu ne donnes rien d'autre. Là, il aurait été sur le cul. Alors, tu as été poli, tu as donné les béquilles à roues, les béquilles à caoutchouc, la canne, puis à un moment donné, il te casse tout ça sa tête ou non, du fait que tu le fous là. Est-ce que justement, le fait de y aller par étapes, ça ne fait pas amincir la corde doucement plutôt que de la casser brusquement? Il y a deux façons d'évoluer. Il y a celle où, justement, il va par étapes. L'être humain, bien souvent, est foireux. La majorité des égos qui pensent vouloir évoluer, qui sont manipulés par des forces qui les obligent justement à vivre des conditions qui vont hormoniser leur sang, qui vont sécréter des hormones, la majorité des êtres humains sont extrêmement impatients et pissous. Donc, en partant, ils ne peuvent pas aller vite, mais ils veulent aller vite. Et ils ne peuvent pas aller vite parce que c'est les premiers à venir broyer. Alors, la vie, tous les contextes d'évolution se font lentement. Parce que l'être humain a peur. Mais en même temps, l'être humain, il veut aller vite. Alors, quand tu le fais lentement, bien, l'être humain, il chiale, il se plaint, il broute, il souffle, il gueule, il lâche pas. Mais il avance quand même. Il chiale. Ah, ben, il avance à la vitesse qu'il doit avancer. La problématique, c'est que lorsque l'intelligence doit descendre par un être humain ou par une condition planétaire, une société, par exemple, un gouvernement, un état militaire par l'humain, de façon à aider une quantité d'humains, une collectivité d'humains, une masse, eh bien là, c'est la particularité qui exprime l'intelligence qui, lui, maintenant, va passer au cash. Regarde ici. Toi, tu amènes toute ta famille, ça veut dire tes frères, tes oncles, toute ta famille. Disons que vous êtes 200. Vous venez me voir, vous voulez évoluer. Alors moi, je vais dire, bon, ben parfait, alors première chose qu'on fait, c'est qu'il y a un pont de corde là, puis on va tout le traverser pour voir ceux qui ont un physique correct. En traversant, il y a un adulte, deux enfants qui tombent et qui se tuent. Allez-vous continuer, monsieur? Si c'est moi l'adulte, non. Pas pire. Allez-vous, je disais. Je parle donc de toute la famille. Les autres, probablement qu'il y en a qui vont débarquer. Beaucoup. Pas mal. Oui. Par contre, combien Dieu a-t-il laissé tomber de gens? Et combien de familles qui ont perdu des gens au nom de Dieu continuent encore à suivre Dieu? Quand l'intelligence passe par l'homme, l'homme paye. Alors, nécessairement, je dois dire, il y a un pont de corde avec un filet. Fait que là, c'est 3-4 caves qui jettent dedans pour le fun, tu sais. Puis bon, finalement, l'évolution oublie là, ce qu'on veut faire, ça ne marche plus. Alors, on est obligé de donner l'illusion à l'humain qui avance vite, même s'il avance lentement, pour pas qu'il tape dessus avec sa canne, puis en même temps, bien, pour pas qu'il te lâche. Et ça devient une vraie farce. C'est pour ça que l'être humain a créé un Dieu. C'est pour ça que l'être humain a créé un Dieu. Ça permet à Dieu de recevoir sur sa tête les mauvaises et les bonnes choses, et c'est toujours des bonnes choses, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi on accepte, comme tu disais tantôt, qu'il y a des enfants qui meurent, puis on dit, ben, c'est Dieu qui l'a rappelé. Oui, on accepte ça parce qu'on est imbécile. On doit le tolérer, mais l'accepter comme l'être humain l'accepte, c'est tout à fait stupide. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de libre arbitre, on n'avait pas le choix. Il sera mort pareil. Exactement. L'être humain est imbécile, n'a pas le choix d'être imbécile, donc il est imbécile. Il n'a pas le choix. N'ayant pas le choix, il reste imbécile. Voilà. Mais ça donnerait quoi de plus d'être en maudit contre quelqu'un ou contre quelque chose, si de toute façon, il sera mort pareil? Ça donne quelque chose. Ça donne quoi? Premièrement, ça soulage. Mais pas être en maudit contre l'être humain. Contre ce que l'on croit qui est là pour nous aider. Être en maudit contre Dieu, entre autres, ça commence à aider. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que non seulement il ne peut pas t'aider, mais en plus, quand tu l'haïs, il ne peut même pas te donner une volée. Alors, tu découvres que finalement, le morceau de bois, là, tu changes ta corde de place, c'est-à-dire que tu commences à t'enligner vers quelque chose d'autre. Tu commences à envisager la probabilité que tu es quand même là, mais ce que tu pensais qu'il t'avait mis là a sans doute été créé en même temps que toi. T'as pas mis là. Puis il n'y a pas plus de puissance que toi. Tu pensais pouvoir te fier dessus, puis finalement, il n'est pas mieux. Après des milliers d'années de prières envers les dieux, après Moïse et le monothéisme, l'Église catholique qui veut dire universelle, qui devrait s'étendre à l'échelle de la planète, après tous les schismes qu'il y a eu au sein de l'Église et toutes les sectes qui en sont sorties, après toutes les bonnes volontés de tous les humains sur la planète en fonction d'un Éden, d'un paradis planétaire, on est encore à se descendre des avions civils, puis avoir peur de l'Apocalypse. Puis on a peur de l'Apocalypse parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Jean, qui l'a écrit dans un livre, placé dans un livre plein de livres, la Bible. Et là, c'est la parole de Dieu, ce qui fait que veut pas, on doit avoir peur. Bout de là, Dieu a dit qu'il y a un Apocalypse. Alors on n'en sort même plus, on est totalement fait. On prie pour la paix, puis dans la Bible, bien, c'est prévu que prie tant que tu voudras, il y aura un Apocalypse. Non. Maintenant, l'être humain continue à espérer qu'il y aura la paix, la Vierge continue à apparaître pour dire à l'homme, repentez-vous et priez, sinon il y aura une guerre. Puis dans la Bible, c'est prévu que de toute manière, il va y avoir une guerre, enfin un apocalypse. Alors de quelle façon l'humain doit-il s'organiser pour vivre sa vie s'il ne veut pas supporter l'idée qu'il est manipulé, alors que tous les phénomènes bibliques lui disent de vivre en paix et de s'organiser pour que ça marche la paix, puis à la fin, on t'envoie pareil un antéchrist, une bête, puis toute une cochonnerie complète, où un tiers des hommes vont mourir, où un tiers des plantes vont capoter, où un tiers des eaux vont devenir des produits chimiques. Puis à travers ça, ben, on veut continuer à s'imaginer qu'on a un libre-arbitre total, que Dieu nous aime, etc. Et qu'il nous dit, ben faites la paix, pendant que vous ferez la paix, on préparez la guerre. Puis à un moment donné, on les voit, les justes, les moins justes. Tu risques, franchement, c'est comique, il faut me retenir. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là? Pourquoi on a cette corde qui est toujours aussi solide? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas l'intelligence de s'en défaire ou qu'on ne voit pas l'utilité de s'en défaire? La seule façon qu'un corps physique peut arriver à attirer de l'intelligence, c'est de copier l'intelligence. Les corps physiques des êtres humains sont bâtis par la génétique, par l'expérience planétaire depuis déjà 4 milliards d'années. Un peu plus de 4 milliards d'années, et c'est bâti de façon à copier l'intelligence. Copiant l'intelligence, le corps physique finit par se prendre pour l'intelligence. Se prenant pour l'intelligence, il croit avoir un libre-arbitre que Dieu lui aurait donné, parce qu'il perçoit quand même qu'il a été créé. Il ne sait pas par quoi. Alors nécessairement, il se voit donner par Dieu, ou les dieux, le libre-arbitre, alors que c'est totalement faux. Il se voit donner la possibilité d'agir dans le monde, un libre-arbitre psychologique comme un libre-arbitre physique. Il décide de se lancer en affaires, il fait ceci, il fait cela, et encore une fois, c'est tout à fait faux, ça ne marche pas. Pour arriver à supporter cela, la copie d'une intelligence qui est le corps physique et l'âme, entre autres, l'âme, c'est une vraie géniosité, c'est absolument génial, l'âme, sauf que présentement, en ce qui concerne certains êtres humains, c'est une vraie vacherie. Bon, ça bloque la descente de l'esprit. Alors donc, à travers ce corps de l'homme, il y a lentement de l'intelligence qui tend à s'imposer. La seule façon de devenir totalement libre, d'avoir un libre-arbitre, c'est de devenir autre chose qu'un humain. L'humain est totalement manipulé. Lorsqu'on devient un être humain, lorsque l'être habite l'homme, lorsque l'intelligence habite le corps de l'homme, nécessairement des mutations, des changements se font. Et il y aura toute une transformation au niveau de ce que tu appelais tout à l'heure les mondes parallèles qui vont permettre aux différentes consciences de l'homme de s'allier par un canal qu'on appelle un canal séraphique. donc les canals, l'enveloppe du tube éthérique. Ce sont des mots un peu compliqués pour ceux qui viennent pour la première fois, mais après quelques fois, on finit par comprendre le terme. Sinon, on pose des questions, je les explique lors de la deuxième partie. Si on ne comprend pas, on s'habitue à les entendre. C'est ça. Et lentement, on finit par comprendre, les mots sont justes. Ça ne sert à rien de toujours reprendre des vieux mots traditionnels qui sont attachés à ces maudits bâtons-là. De temps en temps, on doit inventer de nouveaux mots, des néotypes, qui échappent totalement au contrôle des religions, totalement au contrôle des archétypes. Quand je dis, par exemple, je parle d'amour intelligent, ça échappe aux archétypes. Qu'est-ce que l'homme a besoin? La paix? Non. Pourquoi? La paix appartient aux archétypes. Si je dis la paix, il y a la majorité qui ne croit même plus. Ça appartient aux archétypes. On va inventer un nouveau mot qui est libre, qui n'appartient pas aux archétypes. Un jour, il va appartenir à un archétype. Pour l'instant, non. L'âme, les archanges, les ci, les ça. Quand on parle de choses qui ont attrait à l'évolution de l'animal humain ou de l'humain sur la planète Terre, juste pas grave que les mots soient associés à des archétypes. Et quand on veut parler de choses neuves, on doit mettre des mots neufs qui sont libres. Alors là, on ne comprend pas le sens. Et quand on va le comprendre, on va comprendre le sens. Tandis que si on prend d'autres mots, qu'est-ce qui manque sur la Terre? De l'amour, on vend de l'amour, au nom de l'amour, on fait ceci, etc. Finalement, ça a tellement de sens qu'on n'arrive plus à s'entendre. Les mots Dieu sont teintés. Dieu est tellement archétypé qu'on ne sait même plus ce que c'est. Le libre-arbitre apparaît chez l'être humain lorsque l'être humain a de l'intelligence. Maintenant, l'être humain qui a de l'intelligence, bien souvent, il a encore de l'ego. C'est-à-dire que l'être humain qui commence à avoir un contact avec de l'intelligence est encore attaché au bâton qui le manipule. Donc, il est collectivement dépendant de l'évolution de sa société, en l'occurrence de la planète. Cela veut dire que lorsqu'un être humain commence à avoir un contact avec une bribe supramentale, il commence à avoir une nouvelle corde. La main qui est ici, qui est attachée au bâton, il y a une nouvelle corde qui commence à se tisser, qui s'attache à quelque chose d'intelligent. Et cette chose intelligente, elle habite déjà l'homme. Est-ce que c'est mieux? La petite chose intelligente va dire « lève la main », la corde qui est reliée de l'intelligence va lever la main. Même si la corde astrale reste relâchée. Alors, tu commences à avoir un libre-arbitre. Le problème, c'est que lorsque la corde astrale va dire « lève plus », bien là, c'est la corde supramentale qui commence à être relâchée. Tu es encore manipulable. Lorsque l'astral te laisse dormir, c'est le temps de te lever. Parce que toutes les cordes astrales étant relâchées, les cordes de l'intelligence peuvent maintenant te manipuler. Là, maintenant, c'est le temps d'enligner ta vie et de commencer à faire des actions intelligentes. Le problème, je décide de prendre de l'eau parce que j'ai soif. C'est un exemple que je donne. La corde intelligente se lève. La corde astrale, le manipulateur est relâché. Je viens pour prendre l'eau. L'astral est au courant parce que je n'ai pas encore appris à cacher ce que je fais. Alors, je viens pour prendre l'eau. L'astral se réveille et lève le bras plus haut. Je veux prendre de l'eau, j'envoie l'intelligence, j'ai failli prendre de l'eau et j'ai manqué mon coup. Quoi? Ah, qu'est-ce qui m'arrive encore? Là, c'est une rechute, ça marche pas. Mais non, tu commences à avoir de l'intelligence et dans le début, c'est extrêmement frustrant d'avoir de l'intelligence parce que on a une trop grande gueule astrale, on exprime trop par l'émotion, on n'est pas suffisamment être humain, on n'est pas suffisamment mental et nécessairement on vient pour le faire et là on est tout content, je vais prendre de l'eau, c'est intelligent. Ah oui, c'est au bout. Clink. L'eau, mon ami, l'eau, là. Clink. Tu demandes à quelqu'un, il va le renverser, il va l'échapper, ça ne marchera pas. Alors, l'être humain qui commence à être intelligent commence à développer ce libre-arbitre. Il n'en a toujours pas. Mais ici, il apprend, et on peut apprendre, à ne pas informer le monde de la mort de ce que l'on veut faire. Comment? Pour cela, on doit devenir extrêmement occulte. Fermé, mystérieux, capoté pour les autres. Là. Ça veut dire que 100% de tout ce que tu veux faire, tu n'en parles pas. Sauf si tu as la faculté de développer une voix mentale et que tu parles à un mental dans le corps d'un autre. Si tu parles à un ego dans le corps d'un autre, il va tout te babasser ça, c'est immédiat. Et ça ne marchera pas. Simple. Tout ce que l'être humain veut entreprendre ne marche pas. Il faut que ce soit le secret des dieux. Il faut que les dieux soient pas au courant. C'est sûr qu'ils vont t'avoir. Lentement, l'intelligence commence à s'attacher à certaines parties de la marionnette. Et lentement, lorsque tu décides astralement de ne plus rien faire, un exemple, tu es en affaires. Et ça ne marche pas. Tu travailles dur. Puis finalement, tu dis, oh ben, ça foire donc tout. Pouf, une idée intelligente apparaît. Pouf, une chose semble se régler. Maintenant que l'astral te laisse aller, l'intelligence commence à manipuler les choses, elle peut le faire. Et si tu as, s'il y a de l'intelligence à ce que tu fais marche, la chose va se régler tout seul. La petite belle va commencer à marcher. L'individu, un petit employé qui voulait lâcher, décide de ne plus lâcher. Pourquoi? Parce que les contraintes astrales ne sont plus là. Quand tu viens pour y serrer la main, puis l'astral qui envoie une claque en pleine face, tu es convaincu que tu lui as serré la main. L'autre, il a senti que tu l'haïssais. Alors en partant, c'est fait. L'être humain qui commence à avoir de l'intelligence souffre plus. Il n'a toujours pas de libre arbitre. L'animal humain est convaincu que les barbites, c'est pas compliqué tellement, il achète des billets de loterie pour perdre, il en achète tout plein, et il check les chiffres, il est sûr qu'il va perdre, puis ça y est, j'ai perdu. Les barbites, il n'achetait pour gagner, puis il gagnerait. Il fait un infarctus parce qu'il n'est pas assez proche d'avoir les bons infarctus, oui, effectivement. Bon, il s'amuse, c'est ça, c'est ça, ça fait un. Lentement, l'être humain qui se conscientise voit des filins se rattacher à lui au niveau de l'intelligence. L'intelligence commence à brider des câbles. Il est tresse. À partir de deux énergies. L'énergie supramentale extraplanétaire et l'énergie éthérique, donc l'énergie supramentale planétaire, l'énergie vitale de ton ego. Quand tu commences à accepter, à tolérer une situation, quand tu commences à dire « puis merde », l'ego n'a plus de pouvoir. Il y a de l'énergie dans l'ego, dans l'âme, qui est désagrégée, elle devient de l'énergie vitale, elle vient épaissir ton périsprit. À l'instant où tu prends une décision, que tu atterris une décision « puis merde », t'es moins manipulable par la situation. Le périsprit étant plus épais, il y a de l'énergie qui commence à sortir. C'est ce qui va créer. Là, je fais des dessins, là. Mais c'est pour qu'on arrive à comprendre. Et lentement, ça crée un petit canal idiot qui va attirer une correspondance du plan supramental et ça peut s'attacher. Là, tu commences à être intelligent, mais tu commences à être frustré. Mais le fait d'abandonner une mission, une chose ou un but, quelque chose, un rêve que tu avais, que tu essayais de t'y rendre, est-ce que c'est toi qui as décidé de l'abandonner? Quand tu dis « j'abandonne », qui t'a dit d'abandonner? Rien, c'est l'écœurement. Et lorsque tu as juste suffisamment d'intelligence chez toi, là, c'est toi qui décides d'abandonner. Puis quand tu décides d'abandonner, là, ça les choses commencent à vouloir marcher. Et là, le mot de problème, c'est que l'ego se réveille. Tu instruis ton ego que là, on abandonne. Soit les enfants, soit la famille, là, t'abandonnes. Tu t'es écœuré. Tu t'écrases, j'abandonne. Là, ça commence à marcher, tu te dis « si ». Là, j'ai décidé que je lâchais, puis ça veut marcher. Fait que là, je lâche plus. Là, si tu dis « je lâche », puis ça marche, je suis con. Mm-hmm. Fait que finalement, tu reviens sur ta décision, et là, c'est l'ego qui tripe. Mais là, quand tu dis « je lâche plus », c'est l'ego qui pose la question. Tu n'es pas capable de pogner le verre d'eau, là, comme tantôt. Ben oui, parce que l'ego revient dedans, et nécessairement, tu veux reprendre la business, puis avoir commencé encore à s'effoirer. Si tu es, en passant, celui qui n'est pas manipulé par de l'intelligence va réussir. Si il, astralement, on a besoin de lui, ça va. La majorité des hommes d'affaires qui n'ont pas d'intelligence, ils vont à l'église. Ils prient Dieu, ils vont dans les églises de riches, puis ils s'organisent, ils ont le spectacle religieux régulièrement. Et puis en plus, ils vont donner des œuvres de charité, ils sont pas caves, ils donnent à Dieu. Donnant à Dieu, Dieu le donne, parce qu'il y a un échange d'énergie. Mais le moindrement qu'une personne qui est en affaires et qui marche devient intelligent, ça commence à foirer. Pourquoi? Parce que là, l'intelligence commence à lui dicter des petites décorrections. Et là, notre l'ego, ce qui ne lui permet d'être assujetti au bâton à ce qu'il manipule, vient perturber la chose. Alors, l'intelligence tire par là, l'ego tire par là, fait que tu ne fais pas ce qui te rendait riche, tu ne fais pas ce qui pourrait te rendre meilleur, t'es pogné entre les deux. Ça, regarde bien ceci. T'as deux cordes au lieu d'une. Ouais. Bien là, mes verres sont un peu bas pour ceux qui sont là-bas, mais enfin. Je viens pour prendre le verre d'intelligence à gauche, le verre de l'astral à droite. Tant que je suis inintelligent, je suis un animal humain conventionnel, manipulé, et puis je me pense bien bon, eh bien, je prends le verre à droite. À un moment donné, je commence à avoir de l'intelligence, et là, je vois des corrections à faire dans ma vie d'affaires, comme dans ma vie physique, comme dans ma vie psychologique, dans ma vie. Et là, je vois le verre à gauche, et je dis, tiens, c'est ça que je vais prendre. Et là, je viens pour prendre le verre à gauche, et ça tire pour que je prenne à droite. Mais je ne peux pas prendre à droite, l'intelligence tire pour à gauche, l'astral tire pour à droite, fait que je prends ni un ni l'autre. Je commence à être intelligent, tout commence à moins marcher. Et là, tu vas-tu crever de soif? C'est ce qui arrive bien souvent. Et l'individu devient un martyr de la transition, il finit par se putainer. Et il va dire, bon, ben tiens, gars, je vais boire de l'eau à gauche, à droite, je vais me connecter aux forces astrales, je vais nourrir le monde de la mort. De quelle façon? En me prenant pour un autre, en trouvant que le monde sont cons, que le monde sont idiots. Fait que là, je suis comme tout le monde. Mais je dis que c'est d'intelligence. J'ai haï les musulmans parce qu'ils ne comprennent rien. C'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Les chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas de grâce. Bon, finalement. du porc, du cochon, mais c'est la même chose. On parle de la même affaire, mais on prend des mots différents. Nécessairement, celui qui se conscientise va découvrir qu'il était mieux avant, parce qu'en réalité, avant, il décidait ce qu'il faisait. Un instant. Il ne décidait pas ce qu'il allait faire. Il décidait ce qu'il faisait. Lorsqu'il buvait, il décidait de boire. Lorsqu'il chiolait, il décidait de chioler. Il n'y a pas de débarbite, mais après le moment. Il va y en avoir un. Celui qui se conscientise, nécessairement, toute l'humanité va passer par cette phase plus ou moins absurde. Les premiers qui passent ont plus de difficultés et lentement, ils pourront engendrer des structures pour permettre à ceux qui vont suivre d'y avoir accès plus facilement à cette intelligence. Qu'est-ce qui fait en sorte que celui qui s'en commence à être plus intelligent, si on veut, ne sera pas capable de prendre le verre? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va être capable de le prendre? Oui, la question est mieux posée. Oui. Simple. Disons que tous ici, nous nous réunissons à un moment donné et nous décidons que nous voulons devenir intelligents et que nous voulons absolument avoir un libre-arbitre. Si nous voulons avoir un libre-arbitre, cela voudra dire que nous devrons considérer la possibilité de que ça va prendre un laps de temps. Un laps de temps où la corde qui me tire à droite va être contrebalancée par la corde qui me tire à gauche. La journée qu'on décide de tous embarquer dans le même bateau et qu'on décide d'appliquer des lois astrales pour énergiser un égrégore avec de l'intelligence, eh bien là, on va lentement tisser des cordes astrales. Même chose que les cordes manipulatrices qui nous amènent à droite. Mais ils vont tirer dans le sens de la corde de l'intelligence. Et lentement, ma main va avoir de plus en plus de rapprochement vers le verre d'eau que je vais prendre, et non pas vers l'autre. Alors, si lentement, l'être humain arrive à s'associer, ce qui est de la difficulté à faire parce que l'astral le manipule, tiens, il ne faut pas qu'il s'associe, le moindrement qui commence à être intelligent. Si l'être humain arrive à s'associer, nécessairement, il commence à dévier le non-libre-arbitre vers ce qu'il a besoin. Et c'est ce que je veux dire lorsque je dis qu'on est manipulé, mais on peut arriver à manipuler le manipulateur. On va manipuler le bâton pour qu'il nous manipule comme on veut. On est encore attaché, mais on joue près du bâton. On peut. On va peut-être revenir lors de la deuxième pour finaliser cette chose-là, parce qu'effectivement, on peut faire le quoi. Si vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Vous les scribouillez sur un papier, vous le donnez à Mario. Et on se revoit dans une quinzaine de minutes.